Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien main dans la main. Nous serons si bien main dans la main. Quand, où et comment le dire, ce